بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Commence aujourd'hui le cours numéro 73 dans l'explication du livre عقيدة أهل السنة والجماعة du Cheikh Saleh Al-Fawzan حفظه الله تعالى avec les commentaires de Cheikh Mohammed ibn Saleh Al-Uthaymeen. Donc c'est le charh du Cheikh lui-même de son propre livre. Donc, comme on l'avait expliqué au dernier cours, c'est-à-dire hier, on a fait le cours sur le même livre, et on est toujours dans le chapitre au sujet de Al-Iman bil-Kutub. Si vous pourriez venir vous asseoir de ce côté, ce serait mieux pour, ce serait plus facile pour moi, étant donné que vous êtes, il y a un frère ici, d'autres frères là-bas, ça, si je regarde juste à regarder d'un seul côté, c'est plus facile. Barakallahu fik. D'accord, donc oui, c'est ça. Donc on avait lu hier les versets dans Surat Al-Imran 78 à 79, et le verset qu'on va expliquer maintenant, c'est le verset 79, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal-hukma wal-nubuwata thumma yaqulu lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillah. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset, alors c'est ça, c'est la deuxième partie du verset: il n'est pas permis à aucun homme ayant reçu d'Allah les écritures, c'est-à-dire le livre, et la sagesse et la prophétie, de dire aux gens: soyez mes adorateurs en dehors d'Allah, c'est-à-dire adorez-moi au lieu d'adorer Allah, hein? Donc il n'y a pas un prophète que Allah a envoyé à l'humanité, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le livre, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la sagesse et la prophétie, puis qu'après il dit aux gens: adorez-moi, hein? Non. Et donc ça, c'est ce qui vient réfuter beaucoup d'entre les gens de l'égarement, comme par exemple les chrétiens qui prétendent que Isa est le fils de Dieu, ou qu'il est Dieu incarné, hein? Ou qui croient en la Trinité. Hein, ils disent il y a Dieu, il y a trois dieux qui forment un seul, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, puis les trois sont un. Ça, c'est des exemples de kufr, de mécréance. Et on voit la réfutation de ça dans ce verset, puisque Isa alayhi salam, si on, n'importe quel chrétien qui regarde aujourd'hui dans le livre des chrétiens aujourd'hui dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun endroit où Jésus dit aux gens: adorez-moi, hein? Il n'y a pas un endroit où Jésus dit aux gens: je suis votre créateur, je suis votre Dieu, adorez-moi. Non, il dit plutôt: adorez celui qui m'a créé, adorez celui qui m'a envoyé. C'est ça qu'il dit. Donc le cheikh, il explique ce verset là il dit: la yumkinu hada, hein? La yumkinu yaqula linnas kunu ibadan li min dunillah. هذه وهذه الآية رد على النصارى الذين قالوا إن عيسى ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة وزعموا أن المسيح أتاهم بذلك. فقال الله تعالى: ما كان لبشر إذا جاء في القرآن ما كان فهو نفي إما لانتفائه شرعا وإما لانتفائه كونا وإما لانتفائه شرعا وكونا. المهم أن ما كان وما ينبغي وما أشبه ذلك من التعبيرات في القرآن تدل على أن الشيء ممتنع غاية الامتناع، فيمتنع غاية الامتناع أن يؤتي الله بشرا الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله. لا يمكن أبدا، بل إن الذي أتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أبعد الناس عن أن يقول ذلك، وأشد الناس قولا في النهي عن الغلو فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلى فيه كما غلت النصارى في المسيح ابن مريم ولما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده فالرسل عليهم الصلاة والسلام ينهون عن الشرك ويأمرون بالتوحيد وتحقيق التوحيد وإكمال التوحيد وهم أبعد الناس عن أن يقول أحدهم شكرا بارك الله فيك عن أن يقول أحدهم كونوا عبادا لي من دون الله. Donc le cheikh il explique que ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit il n'y a pas un être humain à qui Allah aurait donné le livre, la sagesse, hein, le jugement et la prophétie, puis qui dirait aux hommes par la suite soyez mes adorateurs en dehors d'Allah. Il dit ça c'est impossible. Il dit ce verset est une réfutation des chrétiens qui disent que Jésus est le fils d'Allah ou bien qu'il est trois d'entre les trois qui forment la Trinité. Hein, comme j'ai dit tout à l'heure, ceux qui disent que Dieu est trois en un, le Père, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc ils répètent Dieu trois fois. Puis après ils disent qu'il est unique. Ça c'est une contradiction. Depuis quand on apprend aux enfants à l'école, hein, en première année, 1 plus 1 plus 1 égale 3. Jamais on a appris aux enfants 1 plus 1 plus 1 égale 1. Hein? Donc il faut changer les règles d'arithmétique là. Selon ces gens-là, sinon ça ne fait pas de sens. Et eux-mêmes, ils reconnaissent que leur religion n'est pas logique. Donc, le cheikh, il dit, ces gens-là, ils prétendent que c'est Isa, que c'est Jésus le Messie, qui leur a enseigné ça. Hein, de dire que Dieu est trois en un, ou de dire que Jésus est fils de Dieu, ou que c'est lui qu'on doit adorer. Alors, comme j'ai mentionné tout à l'heure, il n'y a aucun endroit, aucun passage dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament où il serait écrit que Jésus aurait dit qu'il est Dieu, hein, et que c'est lui qu'on doit adorer. Jamais. Même que on voit dans le Nouveau Testament les passages où Jésus, il dit, lorsqu'un homme vient le voir, il lui dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est écrit comme ça. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il m'a dit, ne m'appelle pas bon. Seul Dieu est bon. Comme ça qu'il lui dit. Donc si lui et Dieu c'était la même personne comme eux ils le prétendent, il n'aurait pas dit ça, il n'aurait pas fait la distinction. Hein? Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça dans le Nouveau Testament. Et souvent il dit, hein, mon Dieu, hein, mon Créateur, mon Maître, celui que j'adore, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Le Dieu de ses ancêtres, le Dieu de ses pères. Est-ce que le Dieu d'Abraham, c'était Jésus? Est-ce que le Dieu d'Isaac, c'est Jésus? Est-ce que le Dieu de Jacob, c'est Jésus? Non, jamais. Hein? Ils ont tous adoré un seul Dieu unique. Donc ça, c'est des exemples qui montrent que ce n'est pas possible qu'un être humain vienne après qu'il ait reçu la prophétie et qu'il ait reçu la révélation, puis qu'il dise aux hommes, adorez-moi en dehors d'Allah. Jamais de la vie. Hein? Ça, c'est... Et quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit ma kana, le cheikh dit quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ma kana, ou bien lorsqu'il dit ma yambari, il dit c'est soit que c'est impossible, hein, dans la création, ça n'existe pas, ou soit que c'est impossible, c'est-à-dire que ça ne se trouve pas dans la révélation. Qu'est-ce que Allah a révélé, qu'est-ce qu'il a légiféré. Donc c'est soit que tu le trouves pas parce que ça n'existe pas, Allah l'a pas créé, c'est impossible, ou bien que c'est quelque chose, il ne l'a jamais légiféré. Ou bien les deux ensemble, il ne l'a ni créé ni légiféré. Et donc c'est pour dire que c'est totalement impossible, totalement rejeté, hein, que quelqu'un, un homme, reçoive le livre, la prophétie, le jugement, la sagesse, et puis qu'ils disent aux hommes, soyez mes adorateurs en dehors d'Allah, impossible. Même plutôt, le cheikh dit plutôt, celui à qui Allah a donné le livre et la prophétie, il est parmi les gens les plus éloignés de ce genre de propos. Et il va être, au contraire, une des personnes qui va être parmi les plus strictes dans l'interdiction de ce genre d'exagération. Hein? Et dans ce genre de transgression. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a interdit qu'on exagère, hein, en parlant de lui, de la même manière que les chrétiens avaient exagéré à propos de Jésus, le fils de Marie. Et lorsqu'un homme est venu voir, par exemple, Isa ibn Maryam, lorsqu'un homme est venu voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a parlé, puis, parmi les choses qu'il lui a mentionnées, il a dit, Masha'Allah wa shi'at. C'est-à-dire, c'est comme s'il avait dit, ce que Allah a voulu, et toi. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que tu veux me mettre comme un égal avec Allah? Dis ce que Allah veut lui seul. Ne dis pas ce que Allah veut et moi aussi. Hein? Ne m'inclus pas à égalité. Ne mets pas entre moi et Allah, hein, le waouh, hein, cette conjonction qui impliquerait une certaine égalité. Même si on sait très bien que la personne n'a probablement pas eu l'intention de faire une égalité entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah. Mais pour éviter toute ambiguïté, hein, et toute impression qui pourrait donner l'idée à quelqu'un qu'il y aurait ce genre d'égalité-là, hein, même si ce n'était pas sous-entendu ou voulu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit dans le but de fermer la porte à ce genre d'exagération. Hein. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas seulement interdit le shirk, mais il a également interdit ce qui pouvait ramener au shirk ou faire tomber les gens dans le shirk, même si ce n'était pas shirk en soi. Hein? Et c'est pour ça que les ulama disent que ça fait partie des formes de shirk dans la parole ou dans les expressions qui font partie des formes de shirk mineures. Que les gens parfois peuvent avoir des expressions ou des façons de parler comme ça, ils disent des choses qui impliquent du shirk sans parfois s'en apercevoir. Et c'est pour cette raison-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit ce genre de propos et ce genre d'expression-là. Et le cheikh, il dit donc, les messagers d'Allah alayhi wa sallatu wa sallam ont interdit donc de faire du shirk avec Allah et ils ont tous ordonné aux hommes d'établir le tawhid et de parfaire le tawhid, de purifier le tawhid. Et ils étaient eux-mêmes les gens les plus éloignés, hein, du shirk. Et les plus éloignés de dire à quelqu'un ou de dire aux hommes, soyez mes adorateurs en dehors d'Allah. Hein. Et il y a un verset dans Surat Az-Zukhruf. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là, Was'al man arsalna min qablika min rusulina. أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. Hein? Donc, dans le verset 45, dans surat Az-Zukhruf, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie, « Et demande à ceux de nos messagers que nous avons envoyés avant toi. Hein? Si nous avons institué en dehors du tout miséricordieux des divinités à adorer, est-ce que l'un d'entre les prophètes que Allah a envoyé avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y en a eu un parmi eux qui aurait dit qu'il y avait quelque chose d'autre à adorer ou une autre divinité à adorer en dehors d'Allah? Hein? Aucun. Il n'y a pas un seul d'entre les messagers d'Allah qui aurait dit aux hommes adorer quelque chose d'autre en dehors d'Allah. Donc le shaykh il dit وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أن من ورث الأنبياء لا يمكن أن يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله وهم العلماء فلا يمكن للعالم أن يلزم الناس بقوله لأنه لو ألزم الناس بقوله فكأنما قال كونوا عبادا لي من دون الله وبهذا تعرف الرد على أولئك المشايخ الكبير العمائم الذين يغرون شعوبهم ويستخدمونهم تماما حتى بلغني من المشايخ من يقول أنا شيخ أنا معصوم أنا يحل لي أن أتزوج بألف امرأة وفعلا يتزوجونها وبعض المشايخ في جهة ما يقول لي إن عندهم 50 امرأة تزوجا لا تسريا لأنه معصوم أو لأنه قد وصل إلى الغاية. ولهذا يقولون إن عبادة الأنبياء وسيلة فلم يصلوا للغاية، وعبادتهم عبادة العوام، أما الخواص فعبادتهم خاصة لا يحتاجون إلى أمر ولا نهي، يقولون لأنهم وصلوا للغاية. أرأيت لو سافرت إلى مكة فالعصا معك والجمل معك، وإذا وصلت إلى مكة وضعت العصا وسيبت الجمل فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. فهم يقولون العبادات وسائل، إذ الوصول للغاية هو الحقيقة، وإذا وصل الإنسان إلى الحقيقة والغاية فلا أمر ولا نهي، بل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهذا هو الكفر بعينه. المهم أن العلماء لا يمكن أن يقولوا للناس كونوا عبادا لي أو كونوا عبادا لنا، ولا يمكن للناس أن يقولوا قولنا هو المعصوم وقول غيرنا هو الخطأ، بل يعترفون بالخطأ والصواب، ولكنهم يرون أنهم يجب عليه الأخذ بالصواب وإن خالف الناس، وإلا إذا خالف إجماعا من الأمة، فما خالف إجماع الأمة فهو ضلال. Donc pour traduire ce dernier point, le cheikh il explique, il dit, on peut donc tirer également de ce verset, de la même manière que les prophètes ne disent pas aux hommes, soyez des adorateurs, hein, soyez mes adorateurs en dehors d'Allah, hein, adorez-moi, la même manière que les prophètes ne peuvent pas dire ça, eh bien, de la même manière, les héritiers des prophètes, c'est-à-dire les ulama, ils ne peuvent pas non plus dire ça aux gens. Les ulama de l'islam, ils n'ont pas le droit ou ils ne peuvent pas dire aux gens, adorez-moi ou adorez-nous en dehors d'Allah. Il n'est pas possible aux savants d'imposer ce genre de propos aux musulmans, hein. Et le cheikh, il dit, c'est comme ça que tu peux comprendre la réfutation aussi de ceux parmi les mashaykhs qui ont des gros turbans sur la tête, hein, parmi les soufis. Ils trompent les peuples et ils les utilisent complètement. Jusqu'à ce que certains d'entre eux sont allés même jusqu'à dire, moi je suis infaillible, tout ce que je dis c'est la vérité seulement, hein, je ne peux pas me tromper. Et il y en a un qui m'a même dit une fois, parmi ces chiours soufis, moi j'ai marié 1000 femmes. Il dit effectivement, il a marié 1000 femmes, hein, alors qu'on sait que c'est pas permis de marier plus que 4 dans l'islam, hein. Lui il a marié 1000. Et il dit, un d'entre ces chiours là, il m'a dit une fois, moi j'ai 50 femmes, hein. Il dit, c'est pas des esclaves, c'est des épouses. Il dit, je les ai mariées parce que je suis infaillible. Pourquoi? Parce qu'ils disent, nous, on est arrivé à Allah. On est arrivé à Allah. Donc, il n'y a plus rien qui est obligatoire ni interdit pour nous. On peut faire ce qu'on veut. Hein? Et ça, c'est la croyance de certains d'entre les soufis, hein. Ils disent, une fois que tu es arrivé à Allah, tu n'as plus besoin de respecter les ordres et les interdictions. Tout devient permis pour toi. Puis après, le cheikh, il dit, les adorations, ça aussi, c'est pas obligatoire pour nous. On n'a pas besoin de prier, on n'a pas besoin de jeûner. Parce que ça, c'est des moyens. Mais c'est des moyens pour arriver à l'objectif. L'objectif, c'est Allah. Nous, on est déjà arrivé à Allah. Donc, on n'a plus besoin des moyens. Hein? Allah al-Musta'an. Et donc, il dit le cheikh. Donc, ça, c'est le kufr. Hein? Ça, c'est le kufr lui-même. Hein? Ça, c'est de la mécréance en soi. Et donc, il dit, il est important pour les ulama, donc, de savoir qu'ils ne peuvent pas dire aux gens adorez-nous en dehors d'Allah, et il n'est pas non plus permis aux ulama de dire aux gens nous sommes infaillibles, notre parole elle est vraie tandis que la parole des autres elle est fausse, hein? Non, tu peux tu peux avoir raison comme tu peux avoir tort. Hein? Mais l'important, c'est que il faut prendre ce qui est correct, même si c'est en contradiction avec ce que les gens veulent entendre. Et si tu, il dit, excepté si quelqu'un contredit un consensus, quelque chose sur lequel les ulama se sont tous mis d'accord dans la umma, alors dans ce cas-là, tu peux pas contredire. Parce que contredire le consensus de la umma, ça c'est de l'égarement. Et le cheikh, il dit ensuite, il cite un autre verset, يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب إلى قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Donc ça c'est les versets 15 à 17 que le cheikh il a cité dans sourate Al-Ma'ida. Donc on va les lire en entier parce que le cheikh il a seulement cité le début et la fin. Il n'a pas mentionné les versets qui sont entre les deux. Donc, on va commencer, on va lire les trois versets. Le cheikh, il mentionne donc les versets, comme on a dit, 15, 16 et 17. Donc, dans le verset 15, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا. Où c'est ça? C'est le verset 15. Il dit, يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. Donc les trois versets qui signifient aux gens du livre, hein, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vous est certes venu vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre. Donc ça, c'est la preuve que les juifs et les chrétiens, ils cachaient beaucoup de choses dans leur livre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu montrer ça. Hein? Et il dit, et passant sur beaucoup de, hein, et passant sur bien d'autres choses. Hein? Vous cachiez beaucoup de choses. Mimma kuntum turfuna min al-kitab wa ya'fu an kathir. Hein, et il a pardonné bien beaucoup d'autres, bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Par ceci, c'est-à-dire par le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément et les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce et les guide vers un chemin droit. Certes, sont devenus mécréants, hein, laqad kafara, hein, ils sont devenus mécréants. Ceux qui disent Allah, c'est le Messie. Fils de Marie. C'est ça qu'ils disent les chrétiens aujourd'hui. Ils disent que Jésus c'est Dieu, ou fils de Dieu. Et des fois quand tu leur dis, ouais mais vous dites que Jésus c'est Dieu. Et certains d'entre eux, ils le nient. Ils le nient en parole, mais dans la réalité c'est qu'ils croient en ça. Sauf qu'ils l'interprètent d'une façon, ils disent, on ne dit pas qu'il est Dieu, mais c'est comme si Dieu était en lui. Hein, ou qu'il était Dieu incarné. C'est-à-dire Dieu qui était devenu, yani carné en latin, ça veut dire de la viande, ou de la chair, même en espagnol, on dit carne, ça veut dire de la viande. Hein? Donc c'est comme s'ils croient que Dieu est devenu de la viande. Hein? Dieu est devenu chair, ils disent. Dieu s'est fait chair. Combien de fois j'ai entendu ça quand j'étais petit? Hein? Jésus, c'est Dieu fait chair. Dieu qui est devenu de la chair. Yani Allahul Musta'an. C'est comme si tu dis Dieu va devenir de la pierre, ou il va devenir de la terre, ou il va devenir de la... Yani, subhanallah, comment vous parlez de Dieu de cette manière? De croire que Allah subhanahu wa ta'ala se transforme en sa création. Hein? Ou que Dieu devient sa création. Yani, c'est comme si vous êtes en train de dire que Allah subhanahu wa ta'ala qui est parfait devient imparfait. Hein? Ça fait pas de sens. Donc, ça c'est des exemples comme ça. Et puis, hein, donc ça c'est parmi leurs paroles que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété comme étant de la mécréance, comme étant du kufr. Donc il dit, ils sont certes mécréants ceux qui disent Allah c'est le Messie, fils de Marie. Dit, qui donc détient quelque chose pour l'empêcher? Hein? Qui donc détient quelque chose d'Allah pour l'empêcher s'il voulait faire périr le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur la terre? Hein? Et ça c'est un point très fort comme argument pour discuter, argumenter contre les chrétiens. Et c'est un point qui m'est souvent venu à l'esprit, même avant que je sois devenu musulman. Hein? Je disais ça à ma mère, je disais ça à ma grand-mère, je disais ça à des gens qui étaient dans ma famille, je leur disais, et si Dieu, le Créateur, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il décide de détruire Jésus, de détruire Marie, de détruire tous ceux qui sont sur terre et l'univers entier, hein, est-ce que Jésus serait capable de l'empêcher? Ils ont dit non. Est-ce que Marie serait capable de l'empêcher? Ils ont dit non. Alors j'ai dit, c'est qui le vrai Dieu? Alors c'est qui que tu dois adorer? Hein? Est-ce que c'est celui qui a le pouvoir absolu sur toute chose ou celui qui est soumis lui-même à Dieu? Hein? Tu dois adorer seulement celui qui a le pouvoir absolu sur tout. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Hein? Je disais souvent, si Jésus veut quelque chose et Dieu veut quelque chose d'autre, la volonté de qui aura le dessus? Hein? C'est la volonté d'Allah, la volonté de Dieu, Allah le Créateur. Sinon, il y en a d'autres qui répondent et qui disent non, mais ils sont la même personne, donc ils ne vont pas vouloir des choses différentes. Hein? Ils disent, les deux sont éternels. Le Père est éternel, le Fils est éternel. Déjà, ça c'est impossible. Et ça c'est contradictoire. Hein? Est-ce que tu as déjà vu un Père et un Fils qui sont nés en même temps? Et là, ça voudrait dire que les deux sont éternels, ça veut dire deux lignes droites à l'infini, qui se rencontrent jamais, qui se croisent jamais. Et déjà, ça, c'est pas possible. Hein? Donc, peu importe comment tu essaies d'y penser ou d'y réfléchir, ça fait pas de sens. Hein? Et surtout, quand tu les entends dire Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Alors, ça veut dire non seulement Dieu, il a un fils, il a même une mère aussi. Hein? Exactement, il prie même parfois plus à Marie qu'à Jésus, et même plus qu'à Dieu. Soit que c'est Paul ou bien soit c'est d'autres parmi les shayatin al-ins qui ont égaré les chrétiens de cette façon. Mais ça c'est leur croyance, leur vraie pratique. Parce que c'est les choses que j'entendais beaucoup de gens dans ma famille chrétienne qui faisaient ça. Hein? Et il y a une radio qui s'appelle Radio Ville-Marie sur le FM. Vous écoutez ça. À chaque jour, ils font les « Je vous salue Marie ». Ils diffusent ça à la radio. Et les catholiques, à l'époque, chaque jour, il y avait une période de la journée où ils faisaient, eux, c'est ça leur dhikr. Hein? Nous, les musulmans, on fait le dhikr. À différents moments de la journée, on fait des adhkar, on se rappelle d'Allah. Eux, c'est ça leur dhikr. « Je vous salue Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs ». Ils récitent ça pendant peut-être une centaine de fois. Pendant la journée. Et puis, ils les ont même enregistrés, ça joue à la radio. Ils le font avec la radio en même temps. Hein? Allah al-Musta'an. Donc, toutes ces paroles de shirk qu'ils prononcent. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset ce qui signifie, « Dis, ô Muhammad, qui détient quelque chose d'Allah pour l'empêcher ?» C'est-à-dire pour empêcher Allah s'il voulait faire périr le Messie, Jésus, fils de Marie, ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur terre. Hein, ça, c'est une question que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne le prophète sallallahu alayhi wa sallam de poser aux chrétiens. Il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, à Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre, et de ceux qui se trouvent entre les deux. Il crée ce qu'il veut et il a le pouvoir sur toute chose. Donc ça veut dire qu'il n'y a personne qui partage quoi que ce soit de son pouvoir. Hein? Donc il n'y a pas de possibilité de la part des chrétiens d'argumenter avec ça. Puisque c'est clair. Hein? L'unicité de Dieu, c'est une des choses les plus fortes et les plus convaincantes pour établir la preuve contre les mouchriquines et contre les chrétiens. Et tous les autres peuples qui ont dévié dans leurs croyances. Et c'est pour ça qu'il faut toujours débuter la da'wah par ce principe-là, par ce point-là en premier. Et le Cheikh Ibn Uthaymin, il explique donc ce verset-là en disant « الشاهد قوله تخفون من الكتاب والمراد برسول الله هو محمد صلى الله عليه وسلم إلى قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وهذا مما أخفوه إذ أخفوا أن المسيح دعا إلى التوحيد مع أن المسيح وجميع الرسل كلهم يدعون إلى التوحيد ولهذا يسأله الله يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق هذا الحق لله وحده أليس لي وليس لي أن أقول ذلك إن كنت قلته فقد علمته وهذا تأكيد لنهيه لأن الله تعالى لم يعلم أنه قاله فيكون ذلك من باب التأكيد للنفي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب والشاهد من سياق هذه الآيات بيان أن الكتب التي عند أهل الكتاب كلها دخلها التحريف والتبديل والتغيير. Donc le cheikh il commente par la suite les versets en disant que le point qui est important dans ce verset, qu'est-ce qu'il voulait établir comme point par rapport à la preuve de dans ces versets-là, c'est au sujet de la falsification des livres des juifs et des chrétiens lorsqu'il dit mimma kuntum turfuna min al-kitab, c'est-à-dire de ce que vous cachiez du livre. Et il dit que ça c'est la preuve que ces gens-là ont caché beaucoup de choses dans la révélation. Et parmi les choses qu'ils ont cachées, justement, le fait que le Messie, fils de Marie, appelait au tawhid et enseignait le tawhid. Parce que ça c'est une des choses qui est mentionnée même dans leur livre, clairement. Sauf que ils le cachent. Ils le cachent, Vous savez que, comme je l'ai mentionné déjà, chez les chrétiens même, à une certaine époque, les gens n'avaient pas le droit de lire la Bible. Les chrétiens n'avaient pas le droit de lire la Bible. Et s'ils étaient trouvés parfois en train de lire la Bible, ils étaient punis pour ça. S'ils avaient une copie même de la Bible, ils étaient châtiés pour ça. Parce qu'ils disaient aux gens, vous n'êtes pas capables de le comprendre. Alors les gens ne le lisaient pas. Maintenant, ils en ont fait plein d'éditions, tout le monde le lit, des différentes traductions dans différentes langues, sauf que les gens, ils pourraient le lire, mais ils le lisent jamais. Je me rappelle, ma grand-mère, elle avait une Bible, elle l'enveloppait dans un tissu et elle le mettait dans son tiroir et elle fermait le tiroir. Jamais je l'ai vu de toute ma vie ouvrir le livre ou lire quelque chose dedans. Jamais. C'est-à-dire, c'est un livre seulement pour la décoration. Et donc, les chrétiens, ça c'est connu, en particulier les catholiques. En particulier les catholiques, ils ne lisent pas la Bible. Les protestants, c'est le contraire. Ils la lisent beaucoup. Sauf qu'ils l'interprètent comme ils veulent. Donc, c'est les extrêmes comme ça entre les différentes sectes chrétiennes. Vous en avez de toutes sortes. Puis après, il dit donc qu'ils ont caché le fait que Al-Masih, Jésus, le Messie, a invité les hommes au Tawhid. Et que le Messie, ainsi que tous les prophètes que Allah a envoyés, ont appelé les hommes au Tawhid. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, il va poser la question à Isa. Il va poser la question à Isa devant toute l'humanité. Et il va dire à Isa ibn Maryam, Jésus le fils de Marie, Allah va lui poser la question, « A'anta qulta linnas, ittakhidhuni wa ummiya ilahayn min dunillah. » Est-ce que toi tu as dit aux hommes, « Prenez-moi ainsi que ma mère comme une divinité en dehors d'Allah, comme deux divinités en dehors d'Allah. » Et Isa ibn Maryam, il va répondre, et il va dire, « Qala subhanaka ma yakunu li » an aqula ma laysa li bihaq. Donc c'est-à-dire il va répondre, il va dire gloire à toi, il ne m'appartient pas de dire ce ce dont je n'ai pas le droit de dire, ou ce que je n'ai pas le droit de dire. Donc ça, c'est-à-dire que ça, c'est la vérité, et la vérité, hein, la vérité, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, et Jésus, il dit, moi, je n'ai pas le droit de dire ce qui est autre que la vérité. Et ça, je n'avais pas le droit de le dire. Et après, il dit, et si je l'avais dit, in kuntu qultuhu faqad alimta. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Hein? Parce que il dit, ta'lamu ma fi nafsi, wa la a'lamu ma fi nafsik. Hein? Tu sais ce qui est en moi, moi je ne sais pas ce qui est en toi. Ça c'est la destruction de la Trinité encore une fois. Hein? Parce que si Jésus et Dieu étaient la même personne, hein? Il la même manière que Dieu sait ce qui est en lui, lui il saurait ce qui est en Dieu. Hein? C'est ce qui est en son Père, soi-disant, comme eux ils disent là. Mais ça c'est la preuve que non. Hein? Allah c'est le Créateur et Isa c'est une de ses créatures parmi ses créatures. Hein? C'est un de ses messagers et de ses prophètes. Il n'a aucune part de la Seigneurie, aucune part de la divinité et aucun droit à l'adoration, parce que l'adoration est un droit exclusif du Créateur. Et donc ça c'est pour confirmer, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, c'est lui le seul maître et le seul qui mérite d'être adoré, et que c'est lui seul qui connaît ce qui est à l'intérieur des cœurs. Donc ça, tout ça c'est pour confirmer, hein. Et après il dit, innaka anta 'allamul ghuyub, c'est toi certes qui es le connaisseur de l'invisible. Hein? Et il dit donc dans ce contexte, dans le contexte de ces versets là, il y a la clarification que les livres qui sont présents chez les gens du livre ont tous été falsifiés et changés. Hein? Ont tous été changés et falsifiés. Il n'y a plus de Bible ou de le Torah ou d'Injil qui est authentique encore aujourd'hui, il n'y en a pas. Hein? Et comme on a expliqué, même si c'était le cas, même s'il était encore authentique, même s'il était encore gardé, préservé, il ne serait pas permis de juger selon ces livres-là, puisque c'est des livres qui ont été abrogés par le Coran et la Sunna. Donc maintenant, il y a des groupes, par exemple, j'ai vu ça dans certains pays, quand ils deviennent musulmans, ils continuent à se référer à la Bible comme ils se réfèrent au Coran. Hein? Donc ils considèrent que les deux livres sont valables. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'il est autant valable de se référer au Coran qu'à la Bible. Et ça, c'est une grave erreur. On n'a plus le droit, une fois qu'on est musulman, de se référer à la Bible. Parce que la Bible, déjà, de un, elle est abrogée, et de deux, elle a été changée et falsifiée. Et j'ai vu ça en Haïti, beaucoup de convertis en Haïti, à cause du manque de connaissances et à cause du fait qu'il y a peu d'accès à des livres et à de la science. Alors tu vois que certains musulmans, comme par exemple quand ils veulent parler de la religion, ils se basent des fois sur la Bible. Hein? Je leur ai dit, ça c'est pas correct. Même quand ils veulent faire la da'wa et appeler les chrétiens à l'islam, ils se basent plus sur la Bible que sur le Coran. Et tu les vois par exemple avec leur Bible, certains musulmans avec leur Bible, puis là ils veulent sortir les versets, dire, ah oui mais vous voyez ça c'est écrit ça, c'est écrit ça. Yani, c'est pas la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a employé pour débattre avec les chrétiens ou pour argumenter avec eux ou pour les appeler à l'islam. Donc si tu veux citer certains passages ou mentionner certains exemples, il n'y a pas de mal à ça. Mais de prendre la Bible comme une base, comme un fondement sur lequel tu te bases pour appeler les chrétiens à l'islam et que tu laisses de côté le Coran et la Sunna, ça c'est une erreur. Hein? Ça c'est pas la façon dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait la da'wah ainsi que les sahaba. Hein? Et donc ça c'est un point important aussi. Maintenant on a terminé de parler de la foi en les anges. On a parlé, bon, le premier chapitre, c'était la première partie, c'était la foi en Allah. On a fait la foi en les anges par la suite. On a fait la foi en les livres. Maintenant, on arrive à un autre pilier parmi les piliers de la foi. Et c'est la foi en les messagers. Al-Iman ou Bil-Rusul. Parce que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-Iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Et le quatrième, wa rusulihi, ainsi que ses messagers. Donc tu dois croire en Rusulillah, yani les messagers d'Allah. Et le Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit Faslun an nu'mina bi anna Allah ba'atha ila an-nasi rusulan mubashirin wa munzirin li'an la yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Donc le Cheikh il cite donc ce verset là. Donc ça c'est pour dire donc que la croyance au prophète et la foi en les messagers. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit des messagers. Donc nous croyons en Allah, nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à ses créatures des messagers comme annonciateurs d'une bonne nouvelle et avertisseurs d'un châtiment, afin de laisser les gens sans argument, afin de faire en sorte que les gens n'aient plus d'arguments, hein, devant Allah après la venue des messagers. C'est-à-dire qu'au jour de la résurrection, les hommes n'auront plus d'excuses de ne pas avoir cru, de ne pas avoir accepté la vérité une fois que les messagers sont venus. Ils ne peuvent plus maintenant venir devant Allah au jour de la résurrection pour dire « Je ne savais pas ». Le message, il a été transmis, les messagers sont venus, les livres ont été révélés. Maintenant, vous n'avez pas d'excuses pour rejeter la foi. Hein? Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas eu de révélation. S'il n'y avait eu aucun messager, s'il n'y avait eu aucun livre, la situation serait différente. Mais là, ce n'est pas le cas. Et le Cheikh Ibn Uthaymeen, il a cité ce verset 165 dans Surah An-Nisa. مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Et Allah est certes puissant et sage. Et vous êtes endormi là, ça y est, vous êtes fatigué. Alors si vous écoutez le dars, il faut s'asseoir. On peut pas écouter le dars comme ça, on est en train de dormir allongé par terre. Si tu vas à l'école devant ton professeur, qu'est-ce qu'il va dire? Si tu fais ça à l'école, le professeur il va te dire lève-toi. Hein? Donc ça ça fait partie des règlements du bon comportement de l'étudiant en sciences. Quand il s'assoit devant le professeur, il s'assoit droit et il écoute bien pour bien apprendre. Hein? Alhamdulillah. Donc le cheikh il dit. ونؤمن بأن الله بعث إلى الناس رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما نؤمن بذلك أن الله تعالى لم يترك الخلق سدى بل أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين مبشرين بالثواب لمن أطاع ومنذرين بالعقاب لمن عصى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وهذه الآية فيها رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله. Bon, je vais lire moins long en arabe, comme ça vous allez pas être fatigué. Je vais parler plus en français. Je vais lire des passages plus courts pour pas vous perdre, hein. Donc, le cheikh, il explique donc que ce qu'on a mentionné, il l'a répété. C'est-à-dire, quand on dit mubashirin, ça veut dire que les prophètes, ils viennent annoncer aux hommes la bonne nouvelle, hein, le bon message. Ils leur annoncent le paradis pour ceux qui font le bien et qui obéissent à Allah. Wa munzirin, c'est-à-dire avertisseurs. C'est-à-dire, ils viennent avertir les gens que s'ils désobéissent à Allah, ils seront châtiés, ils auront un châtiment. Et pour qu'il n'y ait plus d'arguments par la suite devant Allah, une fois que les messagers sont venus. Et le cheikh dit, il y a dans ce verset-là une réfutation d'une secte parmi les sectes qui ont dévié de l'islam. Et le nom de cette secte, c'est Al-Jabriya. Al-Jabriya. Et Al-Jabriya, il dit le cheikh, c'est ceux qui disent que l'être humain, il est forcé de faire ce qu'il fait. C'est-à-dire comme si l'être humain, il n'a pas de capacité, il n'a pas de volonté. Il est obligé de faire ce qu'il fait. Hein? Yeah, c'est ça. Il nie le libre arbitre. C'est comme s'ils disent, on est comme une plume qui est poussée par le vent. Si le vent va vers l'ouest, alors tu t'en vas vers l'ouest. Si le vent va vers l'est, tu t'en vas vers l'est. Et toi, tu n'as aucun contrôle. Tu n'as aucune commande. Ce n'est pas toi qui décides. Ton corps, c'est comme un robot qui est programmé. Hein? Tu ne peux pas contrôler quoi que ce soit. C'est Dieu qui te fait faire ce que tu fais. Et ça, c'est clair que c'est bâtil. Hein? C'est comme si le cheikh il va montrer des explications à ce sujet-là. Il va montrer en quoi ce verset-là prouve la fausseté de la croyance de cette secte des Jabriya. Il dit لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْإِنسَانُ مُجْبِرًا عَلَى عَمَلِهِ لَكَانَ لَهُ الْحُجَّةُ سَوَاءَ بُعِثَ لَهُمُ الرُّسُلُ أَمْ لَمْ يُبْعَثُوا وَلَكِنْ بَعْثُ الرُّسُلُ يَقْطَعُ الْحُجَّةُ. Donc le cheikh il dit la preuve que c'est faux, c'est que si l'être humain était forcé de faire ce qu'il fait, il aurait un argument en sa faveur devant Allah. Il aurait pu dire à Allah, « Oh Allah, tu ne peux pas me châtier, parce que ce n'est pas moi qui a contrôlé, qui faisait mes choses, qui faisait ce que je veux. Hein? J'étais obligé, forcé de faire ce que je fais. » Peu importe qu'il ait reçu le message des messagers ou non. Mais le fait que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que l'argument de ces gens-là a été coupé par le fait que les messagers ont été envoyés, c'est la preuve que hein, les hommes ont un choix, hein, et que les hommes ont une capacité et une volonté. Et il dit وَفِيهَا أَيْضًا رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالُوا إِنَّهُ لَا عُذْرَ بِالْجَهْلِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل مفهومه لولا الرسل لكان للناس على الله حجة لأنهم كانوا جاهلين. Hein? Donc il dit également il y a une réfutation dans ce verset là contre ceux qui disent qu'il n'y a pas d'excuse par l'ignorance. C'est-à-dire que si quelqu'un est ignorant, hein, il n'y a pas d'excuse pour lui. Et ça c'est faux. Hein? Parce que la personne qui ne connaît pas, qui ne sait pas, comment elle peut être châtiée, hein? Si quelqu'un il n'a pas reçu aucun messager, aucun livre, il ne sait pas qu'il faut prier 5 fois par jour, par exemple. Ou il ne sait pas que, par exemple, telle chose est interdite ou telle chose est licite. Et c'est une des choses qui est connue dans l'islam, que si quelqu'un fait un péché par ignorance, il n'est pas responsable, n'est pas coupable. N'a pas commis de péché dans ce cas-là, s'il ne le savait pas. Hein? Tu ne peux pas considérer que quelqu'un est dans le péché s'il a fait quelque chose et il ne savait pas que qu'est-ce qu'il faisait, c'était haram. Hein? Donc ce verset-là, il prouve que celui qui est ignorant, il a une excuse. Donc il réfute ceux qui disent qu'il n'y a pas d'excuse. Parce qu'il y a des sectes ou il y a des groupes aujourd'hui, des tendances qui disent qu'il n'y a pas d'excuse pour personne. Si tu es ignorant ou pas, ça ne dérange pas. Tout le monde est dans l'égarement. S'ils font quelque chose qui est contraire à la religion, ils sont tous hein, coupables, peu importe qu'ils soient ignorants ou non. Comme les Haddadiyya aujourd'hui, il y en a un groupe comme ça. Et le cheikh, il explique que dans le verset, quand Allah il dit, pour pas qu'il y ait un argument, pour que les hommes n'aient pas d'argument hein, contre Allah, après l'envoi des messagers, ou après qu'il ait envoyé les messagers, donc on peut comprendre par rapport à ce verset que si Allah n'avait pas envoyé les messagers, les hommes auraient pu avoir un argument contre Allah. Hein, ils auraient pu dire on était ignorants. Et le cheikh il dit فالصواب الذي لا شك فيه والذي تدل عليه الأدلة أن الإنسان معذور بالجهل فإن كان ينتسب للإسلام فيما يفعله فهو مسلم وإن فعل ما يكفر وإن فعل ما يكفر وإن كان لا ينتسب للإسلام فهو كافر لكنه إن كانت الحجة لم تبلغه فإن القول الراجح أنه يمتحن يوم القيامة بما شاء الله عز وجل ثم إما إلى الجنة وإما إلى النار. Hein? C'est important ce point-là. Écoutez bien ce point parce que c'est important. Le point, le cheikh, il dit, qu'est-ce qui est correct de comprendre par rapport à la question de qu'est-ce qu'on dit en arabe al-udhru bil jahli, l'excuse due à l'ignorance. C'est quoi la règle par rapport à ce principe-là? C'est le suivant. Le cheikh, il dit, qu'est-ce qui est correct? La chose sur laquelle il n'y a pas de doute, et ce qui a été prouvé par les preuves de la religion, c'est que l'homme est excusé pour son ignorance. L'homme est excusé pour son ignorance. S'il fait partie de l'islam, et qu'il est musulman, et qu'il a fait quelque chose qui est incorrect ou contraire à l'islam, et qui peut même le rendre mécréant, un acte de kufr ou un acte de shirk, mais il était ignorant, donc il dit si il est ignorant, il est excusé pour son ignorance, à cause de son ignorance, d'accord, même s'il a fait quelque chose qui est kufr ou shirk, mais qu'il l'a fait par ignorance, il sera excusé de ça, à cause de son ignorance. Toutefois, si c'est quelqu'un qui n'appartient pas à l'islam, ou qui n'est pas musulman, alors le cheikh, il dit, alors il est kafir, c'est un kafir, parce que un kafir ignorant, ou un kafir qui a la connaissance, les deux sont des koufars. Du moins qu'ils n'ont pas accepté l'islam, ils sont des koufars. Qu'ils soient ignorants de l'islam ou non. Toutefois, si le message ne leur est jamais parvenu, ne leur a jamais été transmis, c'est-à-dire ils n'ont jamais entendu parler de l'islam du tout, et ils ne savent même pas qu'il y a des messagers qui ont été envoyés ou des livres, comme des gens qui vivent dans des régions isolées ou des endroits isolés. J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il y a une région, il n'y en a pas juste une place comme ça dans le monde, mais il y en a plusieurs. Mais j'ai vu ça à propos d'un... Il y a une île, je pense que cette île-là, elle est quelque part pas loin de l'Inde. Et il vit sur cette île une tribu qui sont, on dit, les gens les plus isolés de la terre. Toute personne qui essaie de s'approcher de leur île, ils les tuent, ils laissent personne rentrer. Et ils veulent avoir aucun contact avec le monde extérieur. Je me rappelle plus du nom de cette île, mais j'ai trouvé ça une fois sur internet, donc c'est pour dire, ces gens là ils savent pas qui sont les messagers, qui sont les prophètes, les livres, quoi que ce soit, donc ces gens là le cheikh, il dit, ce sont des koufars, sauf qu'au jour de la résurrection, selon la position qui est correcte, c'est que au jour de la résurrection, ces gens-là auront un test spécial. Allah va les tester d'une manière spéciale, et le résultat de ce test ou de cette épreuve au jour de la résurrection, s'ils réussissent, ils vont aller au paradis. S'ils réussissent pas le test, ils vont aller en enfer. Et le cheikh, il a pas mentionné d'autres versets par rapport à ça, mais il y a un verset que les ulama, ils mentionnent souvent à ce sujet-là. C'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. On ne va pas châtier, on ne va pas châtier des hommes ou des créatures jusqu'à ce qu'on leur ait envoyé un messager. Donc ça, c'est un verset qui est général. Donc si des gens n'ont pas reçu de messager, ils n'ont pas reçu le message, Allah ne va pas les châtier. Donc si parmi les hommes, il y en a qui ont vécu, ils n'ont jamais entendu le message, puis ils sont morts dans le shirk ou dans le kufr parmi les non-musulmans, eh bien au jour de la résurrection, ils auront un test spécial ou un test particulier. Et aussi ceux qu'on appelle Ahlul Fatra, les gens de Al-Fatra, c'est-à-dire ceux qui sont venus dans une période entre deux messagers, et dans cette période-là, le message des prophètes précédents avait été corrompu ou perdu. Et eux, ils n'ont jamais entendu le message de la religion correcte. Donc ces gens-là, c'est la même chose. Et tandis que ceux parmi les musulmans, on va dire qu'il y a beaucoup de pays musulmans aujourd'hui où les gens sont tombés dans des pratiques qui sont contraires à l'islam. Soit ils adorent des morts, ils adorent des tombes, ils font du shirk, ils prient des saints ou des choses comme ça. Et les gens disent souvent, est-ce que ces gens-là, on va dire d'eux que ce sont des koufars ou des mouchriquins, hein? Est-ce qu'on va les déclarer mécréants? Et le cheikh Ibn Uthaymin, dans ce qu'il a expliqué ici, c'est que il dit ils sont excusés par rapport à leur ignorance. Et dans d'autres exemples, le cheikh Ibn Uthaymin, dans d'autres livres, il clarifie en donnant un peu plus de détails encore, et il explique que ça dépend de la sorte d'ignorance. C'est-à-dire, est-ce que la personne qui est ignorante du verdict de l'islam par rapport au shirk, est-ce que cette ignorance-là, elle était de sa part volontaire ou est-ce qu'elle était involontaire? Dans le sens que, est-ce que la personne, elle était ignorante parce que la science, elle n'était pas accessible du tout? Parce que souvent dans des pays où les gens pratiquent ces différentes formes de shirk ou de pratiques contraires à l'islam, eh bien, tu vas voir que les gens, par exemple, ils connaissent pas bien l'arabe, ou bien c'est pas leur langue, et ils dépendent de certaines personnes pour leur traduire ou leur expliquer l'islam. Et ces gens-là, parfois, sont eux-mêmes déviés. Donc, si ces gens-là sont déviés et ils leur expliquent que ce qu'ils font, c'est ça l'islam, et eux, ils s'imaginent qu'en appliquant ou en pratiquant ces choses-là, ils sont en train de pratiquer l'islam, et ils sont en train d'appliquer le Coran, alors dans ce cas-là, ces gens-là seront excusés à cause de leur ignorance, parce qu'ils ont été trompés, et ils pensaient suivre l'islam. Mais si ce sont des gens qui sont dans des endroits où la science, elle est disponible, la connaissance, elle est disponible, l'explication, elle est présente, elle est à portée de la main, il y a des livres, il y a des enseignements, il y a des durous, il y a des cours, il y a des librairies, il y a des émissions de radio, la science elle est à portée de la main. La personne elle a juste à faire un minimum d'effort pour avoir accès à cette connaissance-là. Mais malgré ça, elle se détourne et elle continue à suivre le faux, hein, et à pratiquer des choses qui sont contraires à l'islam. Cette personne-là elle n'a pas d'excuse. Elle sera pas excusée. Pourquoi? Parce que son ignorance, elle est volontaire, elle à cause de sa paresse, à cause de sa négligence. Alors c'est ça qu'il faut comprendre, et c'est ça les détails que les ulamas ont expliqués par rapport à cette question-là. Et le cheikh dit: wa shahidu qawluhu rusulan mubashirin wa mundhirin li an la yakuna lin-nas hujjatun ala Allah ba'd ar-rusul. Il dit, وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يعني ما من أمة إلا خلا فيها نذير وجاءها رسل. Donc il dit le point qu'on veut tirer de ce verset, c'est qu'Allah a envoyé des messagers comme annonciateurs d'une bonne nouvelle et avertisseurs d'un châtiment. Et il dit dans un autre verset, il n'y a pas une nation excepté qu'il y a eu, hein, il y a eu pour elle un avertisseur. Donc Allah a envoyé des messagers. Et le cheikh il dit ensuite: wa nu'minu bi anna awwalahum Nuhun wa akhirahum Muhammadun sallallahu alayhi wa alayhim ajma'in. C'est-à-dire le cheikh il dit: et nous croyons que le premier d'entre eux c'est Nuh, c'est-à-dire le premier messager, c'est Nuh alayhi salam, et le dernier d'entre eux c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc je pense que pour aujourd'hui on va s'arrêter ici, et que on va continuer la semaine prochaine pour ce livre là la suite inchallah. Et puis pour l'horaire des cours, je ne l'ai pas encore fait mis à jour parce qu'on a changé l'heure. Donc j'ai été un peu pris par surprise hier, parce que j'avais concentré je m'étais concentré sur le changement des heures des prières, mais j'avais complètement oublié de changer les heures des cours aussi. Donc, à l'avenir, pour les cours pendant l'été, ou bien à partir de maintenant, les cours vont être, j'ai pensé peut-être faire un cours après le Dhuhr et un cours après le Maghrib. les années précédentes, qu'est-ce que je faisais? Je faisais un cours avant le Maghrib et un cours après le Maghrib. On pourrait faire ça aussi. Mais bon, on va commencer comme ça. On va commencer un cours après le Zohr, un cours après le Maghrib, puis au fur et à mesure qu'on avance, on va voir comment ça va aller. Et si par exemple le temps continue à avancer, parce que là c'est le début, mais quand on va arriver au moment où les prières vont être encore plus avancées, eh bien on ajustera, inshallah. Parce qu'à un moment donné, le Maghrib va être à 9h. Donc à ce moment-là, on changera peut-être le programme, inshallah. Ok, سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.